Il y reproduit des petits formats et les textes des chansons de cette époque. Alors, ce Front populaire n'est pas né de rien, mais de la crise qui avait touché les États-Unis en 1929 et qui avait eu de graves répercussions sur l'économie des pays européens au début des années 30. Et les Français, fatigués des conséquences de cette crise sur leur vie, leur pouvoir d'achat, avaient hâte que l'on en décrète la fin. C'est ce que chante Albert Préjean en 1934. We'll be right back. Ça, c'était le texte initial. Donc, l'activité s'avère dangereuse pour. Je vous dis pas que ça fait pas rêver, mais ce que c'est devenu après le 20 novembre 2015, ça donne, on passe à un article où le ministère de l'Intérieur peut décider d'assigner à résidence chez elle, déjà, enfin, dans une localité ou chez elle, jusqu'à 12 heures consécutives sur 24. Donc, des personnes à l'égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de croire que son comportement présente une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc, de sérieuses raisons de croire, parce qu'ils sont sérieux, hein, ces gens-là, que le comportement de la personne, donc on n'est plus dans l'activité, on est dans le comportement, donc c'est ça, présente une menace pour l'ordre public. On est en fait dans l'idéologie du droit pénal antiterroriste, c'est-à-dire dans la punition de la prévention. Yeah. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TBOD. TBOD. I don't need no TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TBOD. Que l'Algérie, qu'il fallait que l'administration coloniale donne de l'importance aux gens du pays. C'était le plan de Constantine. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer les Algériens dans l'administration. Parce que vous, je ne sais pas si vous savez, mais les Algériens n'étaient pas considérés comme des Français. C'était des riens. C'était des indigènes. Donc, la France est là. Elle est en Algérie. Mais toi, tu n'as pas... Par exemple, nos parents ne sont pas considérés comme des Français. Donc, ils n'ont pas le droit à certains travaux, à certains boulots, à certaines universités. Yeah. Fancy music. Are we digger? Are we digger? Are we digger? Repetition. Are we digger? Repetition. A repetition of the drum. Repetition, repetition. You don't love repetition. A repetition in the music, and we're never gonna lose it. President Carter loves repetition. Repetition. A repetition in China. A repetition in America. A repetition in West Germany. Simultaneous suicides. We dig it. Repetition. A repetition. Riddles on a situation. Continue a black generation. Black generation. plus 1 égale 1. 60 000 gallo-romains et barbares fédérés et 50 000 Huns s'affrontent au champ catalonique. Or, les historiens romains qui rapportent les faits font état d'un bilan extrêmement lourd, annonçant 165 000 morts. Il faut donc croire qu'il n'y avait plus personne au matin du combat sur le champ de bataille. Mais vraiment, plus personne. Et encore, le compte n'y est pas. Si on veut en croire les historiens romains, il faut bien admettre que des gallo-romains ou des barbares ont accepté de mourir deux fois pour ne pas faire mentir les statistiques. À moins que les Romains, qui n'étaient pas très forts en calcul, aient effectué cette addition singulière. 1 plus 1 égale 1. We'll be right back. take it over. Petite fontaine, on a un petit jeu de jet d'eau. On est qui plaît beaucoup aux enfants, manifestement. Oui, ça c'est chouette, c'est chouette, c'est beau. Mais au niveau culturel, je vois pas grand chose. Bah, une musique en fond. Une musique de fond, oui, un saxo. On entend un saxo. En fait, il y a un concert live en ce moment. Il y a un DJ avec qui est accompagné par un saxophoniste. Et c'est a priori, c'est sympa. Il y a une grande surface match, voilà. Qui, je pense, appartient au groupe Mesdek, je suis pas sûr, mais oui. Il me semble que ça appartient au groupe Mesdek. Live. Ça m'est égal, chérie, déclara Anita. Je te jure, ça ne me gêne pas. Ne le prends pas comme ça, voyons. Ouais, filleule, c'est simplement que... Je ne sais pas, moi. Je t'avais promis dans le temps que tu n'aurais jamais plus à travailler. Je ne t'ai pas épousée pour pouvoir m'arrêter de travailler, rétorqua Anita. Je n'ai jamais considéré que c'était une promesse, et d'ailleurs, ça fait près de 5 ans que je n'ai rien fait. Earl voulut répondre, mais ne trouva aucun argument à lui opposer. La plupart des femmes mariées travaillent de nos jours, reprit Anita. Pour la majorité, elles travaillent tout le temps et trouvent ça normal. Ouais, mais si elles turbinent, c'est pour pouvoir payer les traites d'une belle maison, d'une seconde bagnole, d'un bateau, entre autres choses que nous n'avons pas. Et elles ne travaillent pas dans une épicerie minable. Thomas Reagan. Il se trouvait derrière la villa, où la pelouse était encore rase, puisqu'on n'était qu'au début de juin. Earl, assis dans un fauteuil en toile à l'ombre d'un petit érable, tenait une boîte de bière dans une main, une cigarette dans l'autre. Vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon kaki, il avait enlevé ses sandales bleues et enfouissait ses orteils nus dans l'herbe fraîche et humide. Thomas Regan. Oh, Anita était étendue sur une couverture au soleil, à la lisière d'une zone ombreuse où elle avait posé un verre de gin and tonic, un paquet de cigarettes et un petit transistor qui jouait en sourdine. Elle était à plat ventre, le visage tourné vers son mari. Elle avait dégrafé le soutien-gorge de son maillot de bain. Thomas Reagan. Everything you always wanted. La villa toute blanche était petite, nette de lignes, parfaitement carrée, avec un toit vert pâle et des volets roses, qui en fait ne marchaient pas très bien naturellement. De plus, elle était de toutes parts entourée de fleurs dont les corolles rouges, bleues et roses jaillissaient au hasard dans l'herbe et qui avaient envahi leurs étroites plates-bandes. Toutes ces fleurs paraissaient familières à Earl, mais les seules qu'il savait reconnaître étaient les roses et les géraniums. L'air embaumait de la riche odeur des roses, des autres fleurs, de l'herbe et des bois tout proches. Le matin, on entendait toujours le chant des oiseaux dans les arbres, mais pour l'heure, ils étaient endormis ou partis ailleurs. We'll be right back. face. There is makeup all over the place. You can pretend, you can fake. You're the only one to wake. Makeup's useless in the rain. In the rain. No matter how hard the night can fly, party's over, your smile is gone, it's gone. You wanna be someone else, in the eyes of somebody else. But you'll never have the fancy look they need, they need. In our hell, you were there each time I fell. Now you try to change your face. There is makeup all over the place. You can pretend, you can fake. You're the only one to wake. Makeup's useless in the rain. brothers and sisters, these are the Dust Bowl days. Just take a gander around you. Everything's in a wicked haze. The wind blows like the devil when it blows. And yes, it blows. And like the wind, he grows up. And like the wind, he La villa se trouvait à l'angle d'un vaste terrain découvert qui avait autrefois fait partie d'une exploitation agricole sur une route secondaire reliée à la nationale qui conduisait de la ville de Brazel au lac. Il y avait d'autres villas d'été groupées en bordure du lac, mais d'où ils étaient, Anita Earle ne pouvait les voir, car de ce côté-ci, les arbres poussaient jusqu'en lisière de la clairière. La circulation était réduite sur l'étroite route de gravier, même en été, et de l'autre côté, en face de la ville, était également boisé. I can do this too. I This one is called Working Class Heroes. All right, you know it. All right, there we go. We'll be right back.

Compassion. Whatever you do tonight, if you're in this crowd, you look after each other. You respect each other. Show each other love. Show each other how much you love live music. Not aggression, but love and compassion. Come on. Let's fucking go. What the? Yeah. comme Manitor ait pu voir qu'il souriait, ce fut d'un ton enjoué qu'Earl déclara. « Ça me tente toujours d'aller dans le Minnesota. Et toi, on pourrait faire ça cet été si tu veux. » « Je n'y aurais jamais pensé, mais si c'est aussi agréable que tu le dis, ça me plaira forcément, » répondit Anita. « J'y pense depuis un bout de temps. On pourrait tout bonnement aller s'installer là-bas, mais il nous faut de l'argent pour pouvoir prospecter un peu et trouver un endroit qui nous plaise vraiment. On s'installera alors et tu pourras te la couler douce. J'aurai tout mon temps pour me renseigner sur l'élevage des animaux, les moissons, le fumier et le reste. » « Le fumier ?» Anita eut une petite grimace. « L'élevage suffira à mon bonheur, chérie. En tout cas, c'est pour ça que ça m'est égal de passer 2 semaines au supermarché. Si je m'y ennuie un peu, je pourrais me consoler en pensant qu'après, on aura la possibilité d'aller là-bas et passer tout le reste de l'été à flémarder. » Elle poussa un soupir et tendit la main vers son jeune glacier. Living as me, you may be taken for mad. I like to be you. You are me. apartment, and the foolishness will fall away to reveal a model citizen. That day you will never see. The prisoner will be silent. This is a serious matter. Very serious. Both officers have presented their pleas with creditable simplicity. We will now consider. Then how very ça c'est sûr, dit Earl, mais j'ai l'impression que ça fait déjà bien longtemps que je flémarde. Il savait ce que cachait le soupir de sa femme. Les échecs successifs qu'il avait connus les avaient laissés pratiquement sans un sou, et malgré sa résignation, elle était aussi lasse que lui des insuccès. Elle savait qu'il avait besoin d'une réussite, tant pour retrouver sa confiance en soi que pour se renflouer. Tout ira bien, mon chou. Je vais employer une tactique entièrement différente cette fois. Entre-temps, le peu d'argent que tu gagneras au supermarché nous dépannera. Tom Pouce va râler si on reste ici beaucoup plus longtemps, tu sais. Il n'était pas tellement ravi de nous prêter la maison parce qu'il compte bien pouvoir la louer pour ce week-end. it extremely unsettling, to say the least. That it was oxy acetylene that could have killed